fais ton petit numéro au comptoir du Bras Zéro, auprès d'une dénommée Véro, en mini-jupe et boléro. Autour de vous tous les blaireaux, clichés de l'éternel hétéro, se font passer pour des héros, ce qui rend les filles hystéros. La séduction de gré zéro, les claviaux, les pésés, les roues font des dommages collatéraux au comptoir du Bras Zéro. T'es qu'un coyote, tu l'écris sur le mur des chiens. D'ami Pierrot, matinée de Calimero, tu fais tes devoirs Vespero au comptoir du Bras Zéro. Un ténor de l'apéro qui ressemble à Michel Serrault te dit: on est tous des frérots. Du bout de ses grands yeux minéraux, tu vois Véro avec un type en sombrero qui lui extorque son numéro. T'es qu'un coyote.